got you, baby, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends, baby, I got you, baby, I got you. La 25e. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Radio. La 25e. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès. 22h minuit. Radio-sud.net. 101.8. Salut les petits cocos. C'est la rentrée. Micro. Ça y est. Oh, c'est la rentrée. Faut que je reprenne mes habitudes. Hein. Là, je suis un peu perdu là. Ah bah frère, c'était la pause. Hein. C'était la pause. C'était les vacances. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Mais oui, bien sûr. Hein, première chose, on va canarder direct les bonnes années, surtout les bonnes santé, beaucoup de bonheur à tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent. C'est la 25e, on est de retour. Yes. Rentrée de vacances. Je pense que vous avez reconnu le tonton Rizzo, évidemment. Tonton Rizzo avec sa grosse voix. Non, ce soir je fais ma voix de crooner. Ouais, tu remarqueras. Pardon. En plus, je vois Chicago Blues Festival, les 50 ans. Peut-être tu viens directement de Chicago. Voilà. Donc, la 25e, on reprend. On a fait un mois de coupure. On n'a pas changé de formule. Voilà, tranquillement. Mais en fait, on est revenu toujours aussi con qu'en 2019. Donc ça fait plaisir. Changement d'année, c'est bien, mais faut pas changer. Voilà. Donc, c'est ciao. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont entendus, parce que j'ai reçu des messages. Ouais, vous reprenez quand, machin. Voilà, désolé les gars, mais voilà. Ben nous revoilà, coucou. Nous revoilà. Gros big up à Masta qui m'a lâché un enfin. Quand j'ai partagé qu'il y avait une émission ce soir, gros big up mon ref. Nous revoilà. Donc autour de la table ce soir, il y a Théo Dezès qui est dehors, Jounès devrait pas tarder. Vous connaissez le gars, toujours à l'heure. Toujours à l'avance. J'ai mon poteau Alex qui est là, qui repart demain à New York, mais il est là avec nous autour de la table, donc ça me fait plaisir mon poteau. On connaît des boucs de New York. Et il y a le poteau Ardo aussi qui est là. Aïe. Donc voilà, c'est pareil, hein, si tu veux intervenir à des moments dans l'émission, tu fais comme tu veux. Bienvenue. Yes. Donc ce soir au programme, c'est assez simple. Nous, c'est une reprise. Il est 22h, on a jusqu'à minuit. On a fait une petite sélection de sons locaux, évidemment, parce qu'on est là pour la promotion de la culture urbaine. Besançon et région et surtout locale. Voilà, on va le dire franchement, on est des locaux à fond. Donc là, on a une petite sélection d'à peu près, une quinzaine de sons. Il y a des projets qui sont sortis entre novembre, décembre, janvier. Il y a eu des clips, il y a eu des freestyles, il y a eu plein de trucs. Donc on a un peu pioché tout ça. On en a fait une playlist. Et puis en même temps, on vous annoncera un peu ce qu'on a prévu pour le mois de janvier. Olivalou, toi Rizzo, qu'est-ce que je voulais te demander, parce que du coup, on n'a pas repris la semaine dernière. On a repris là, donc là, on est entre guillemets sur ton créneau. Mais est-ce que t'es toujours avec nous pour le mois de février ou... Jojo, la petite chronique de Jojo pour le troisième épisode, la troisième saison, suit ça comme une putain de série. Non, on est là, on lâche pas toujours avec les refrains. La petite chronique de Jojo arrivera. Courant du mois, on verra, on placera ça. De toute façon, on est là. C'est la 25e. Ciao, Jounès, la petite chronique de Jojo. Et non, on va pas bouger, on va pas changer les bonnes formules. J'ai eu énormément de bons retours par rapport à l'émission. On a, après, on le répète toujours, on n'est pas des professionnels. On fait juste kiffer les gens qui aiment bien le vrai son, le gros son. On fait découvrir des artistes. On en fait tourner d'autres qui sont déjà plus connus. Et ça nous fait plaisir. Il y a de plus en plus de monde à l'écoute, sur 2-3 saisons, ça monte, les trucs ils montent petit à petit, l'audience elle monte encore de plus en plus. Je sais qu'on est écouté dans toute la France, big up d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent sur l'Hexagone. Gros big up à vous, c'est la 3e saison, la 25e, ça ne bouge pas. Yes. Donc les frérots, moi je propose d'entamer cette nouvelle émission dans la joie et la bonne humeur. Comme d'habitude. Et dans le rap. Et dans le hip-hop. Et dans le hip-hop. Donc d'ailleurs, je voulais faire passer un petit message à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, Facebook, les réseaux, tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer, je sais pas, le dernier son du poteau qui vient d'à côté de chez nous et qui a envie d'être écouté. N'hésitez pas, on a les réseaux pour ça. On a l'adresse mail asso la 25e qui est toujours active et nous on répond, il n'y a pas de souci. Envoyez vos sons. Donc envoyez les sons, envoyez les clips, envoyez tout ce que vous voulez. Nous, on n'a pas de souci à relayer tout ça dans notre émission. Donc là, je voulais commencer directement dans du rap pur et dur qui nous vient du côté du 90. Donc c'est DY. DY, en fait, c'est un mec que j'ai découvert un peu ici directement dans l'émission. En fait, il était venu avec l'équipe de BRK quand on l'avait invité. Dédicace à tous les refs de Belfort, comme d'habitude. Vous savez, tous les quartiers, toutes les personnes. On sait, 90-10. Donc DY, voilà, il était venu avec l'équipe. Ils nous ont fait un gros live. D'ailleurs, la vidéo est toujours sur notre chaîne. Le freestyle de BRK, DY, tout ça, c'était carré de ouf. Et DY, du coup, je me suis intéressé un peu au Boog. Il a sorti plusieurs freestyles là, au mois de décembre. Et même là, j'ai vu qu'il avait sorti un bail, je crois, hier ou avant-hier. Donc c'est beaucoup de freestyle, tout ça, c'est beaucoup de kickage, et puis nous on aime bien ça. Donc je vais envoyer ça, c'est DY, le freestyle RAP, tout simplement, le freestyle rap. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube, freestyle rap DY, je vous envoie ça, et puis après on continue tranquillement la playlist. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Attaché à la vie, même si celle-ci n'est pas éternelle. J'ai fait des choses qui m'abîment, comment j'ai pu me le permettre. Me des ambiances de kermesse où tout le monde veut devenir des maîtres. Avec les dents ma quête, je n'ai pas réussi à m'en démettre. Difficile de s'en remettre, car c'est un virus sans remède. Tu penses compter sur des mecs, c'est juste entouré par des merdes. Et la personne qui t'aimait te dit maintenant tu démerdes. Plus rien pour passer tes nerfs, donc tu dois te contenter des miettes. Seul devant ma fée, je me confie. J'étais trop jeune pour faire le deuil de mes conflits. Mais c'était fun de pas écouter les consignes. Putain c'est jeune, dans l'arrivée à fumer jusqu'au filtre. Le seum que j'ai frites et mes vattes comme Scofield. J'ai fait mes preuves mais j'ai toujours pas le profil. Surmonte les épreuves pendant que les autres en profitent. Je pense à mes refs et je me dis que tout va trop vite. J'apparais quand tu m'attends pas, je suis de retour la plume aiguisée. Je vais faire l'effet d'un attentat sans détour et sans déguiser. Sur moi qu'il fallait miser, des fois j'en étais dizaine. Mais je le faisais pour m'amuser, mes potes m'ont dit vas-y tu gères. Pas du genre à faire du zèle, parle de moi c'est l'affaire du jet. T'as côtoyé les 17, tu fais l'homme derrière tes biceps. N'oublie pas qui t'a visère, t'échappera pas comme 57. T'as négligé ta petite soeur, c'est la plus grosse tâche du check. On vit, on meurt et tout s'arrête, sauver l'honneur suffira pas. À la base on a tous un rêve, mais c'est les erreurs qu'on n'oubliera pas. Et j'attends mon heure comme un paresseux. Les années défilent comme ton entourage. Et je suis pas d'humeur à les caresser. Aller dans leur sens pour qu'ils m'encouragent. Des larmes versées, dès l'adolescence. On a traversé, surmonté les vagues. Toujours dans l'excès, vie à contresens. Ce n'est pas mon souhait, sinon dès les bacs. J'ai fumé deux bars, j'atténue ma peine. Stopper les débats, je suis prêt pour la guerre. Foutez-moi la paix, on fera pas la paire. Moi je m'en bats les couilles, j'ai plus rien à perdre. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, ciao, on est toujours là sur la 25e. C'était le son de DY. freestyle rap. Vous pouvez retrouver le Peukly sur YouTube. N'hésitez pas à aller cliquer. Et là, j'envoie directement à la suite. C'est le poteau French Goat. Donc, il a changé de blase, en fait, ce petit malin. Il a changé de blase. C'est le poteau anciennement Nas Pacino qui nous a envoyé un projet comme ça. Il nous a envoyé un projet. Bah, d'ailleurs, Ardo, il me semble que oui, effectivement. Invite à moi sur le projet. Si. Donc, bah, tiens, bah, au pire, je peux mettre ce morceau. Hein. Il me semble que c'est le French Goat et c'est le morceau éponyme French Goat. French Goat. Ben, attends, je regarde ça. Pacino, oui. Elle est lourde. Da French Goat, produit par Ardo. C'est parti. J'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu en toi et Jenny qui me turn around. Monte à l'étage, ça vend la pub et le H au gramme. J'passe fiction à réalité comme mon hologramme. French God, j'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu en toi et Jenny qui me turn around. Monte à l'étage, ça vend la pub et le H au gramme. J'passe réalité à fiction comme mon hologramme. Il me reste un peu d'âme, mais je suis pas loin de l'automate. Évacuer le mal par l'épaule, je suis pas encore apte. Je te dis, je vais prendre le bif sans aucune politesse. Pour l'instant, je dois vesquer police, Mossos Polizei. Hey. Mossos Polizei, on veut deux belles holidays. Font cause du Tory Lanez, je garde ma queue, sur moi je les pèse. Viens faire un tour dans ma thèse, on veut sortir de la hesse. Mais faire vendre la cesse, pour des euros ta graisse. J'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu en toi et Jen qui me turn around. Monte à l'étage, ça vend la bu et le H au gramme. J'passe fiction à réalité comme mon hologramme. French Goat, j'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu en toi et Jen qui me turn around. Monte à l'étage, ça vend la bu et le H au gramme. J'passe fiction à réalité comme mon hologramme. Ça fréquente pas les lâches. J'ai la arme du cousin Mach. J'oublie pas Adlen, Minso, Caswals et le cousin Yans. J'suis avec Marsco, Will, c'est le mention. In the cut, tu peux voir Pierre, tu ressens la tension. J'survole la trappe, j'vous fais mes apologies. Bloqué dans leur piège, j'peux plus remonter mais je shine. Tous ces diamonds à portée de main, arrêtez de se plaindre, croire au destin, voiture allemande. D'appuyer sur le faux, j'disparais légalement. On veut voir le monde, en comprendre ses secrets, évidemment. Amnesia Ace, pour calmement. J'comprends plus rien, c'est du flamand. De nous, ils sont tous fans, mais ils diront pas en parlant. French Goat, j'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu entouré d'Yenior qui me turn around. Monte à l'étage, ça vaut de la bu et du H au gramme. J'passe fiction à réalité comme mon hologramme. French Goat, j'arrive du fin fond de l'underground. Un lieu entouré d'Yenior qui me turn around. Qui me turn around. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, on est toujours là. 22h, minuit, il est 22h15. Donc je tiens, il à, est dire, là. Je tiens à dire que. The boss. Il est là. Jules. Le patron est arrivé. Ginny Rose. The Road 2. Le Alors, patron. Attention, le premier mot de 2020. Attention, attention. Atin chin chan. Voilà. Donc c'était de jeunesse. Donc vous pouvez confirmer ce qu'on a dit. Entre 2019 et 2020, on n'est pas devenu plus intelligent. Non, on va pas changer les bails non plus. Voilà. Ça va? Bonsoir. T'étais dans les manifs? En fait, ce qui s'est passé. Bloqué dans les manifs? Non, ce midi, j'étais bloqué. T'étais sur le péril bloqué. Là, clairement, il y avait Rush Hour 3 sur TMC. Là. Non, Rush Hour, le 1. Ah! T'as vu, j'ai mis pause. Ok, si. La bonne excuse. C'était la bonne excuse de rentrer. C'était la bonne excuse de la nouvelle année. By Jones. Donc Jones n'a toujours pas changé. Comme Jones ne blague pas, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de blaguer. Il n'a pas le temps pour vous. Des gens ont le temps, pas lui. Pas lui. Donc oui, on continue la playlist locale, évidemment. Là, c'était French Got, Da French Got, produit par Ardo, qui est avec nous ce soir. Il a balancé un projet, je crois c'est East Coast, un truc comme ça, normalement, si je ne me trompe pas, avec son nouveau blaze, donc Da French Got. Vous pouvez aller voir sur Instagram, Da French Got. Donc vous inquiétez pas, c'est un gars, c'est un petit rebeu, et là, il a fait un freestyle en quinri. Si jamais vous n'êtes pas sûr, c'est bien lui. Voilà. Donc je vais continuer doucement la playlist. Il y a Gore et Negrito TNV. Donc ça a été soufflé aussi par Théo2S. Donc il faut savoir que la playlist de ce soir, on a été trois. On a été trois à la faire. Donc Gore et Negrito ont sorti le clip avec Purple Vision, d'ailleurs, qui était aussi nos invités dans l'émission. Donc on va s'écouter ça tout doux. Et puis après, on balance la suite. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Comme un destructeur, comme l'Empire Ottoman, c'est comme on revient de la même zone. On a rien en commun, je protège les miens comme un Hokage. Je protège les miens comme un Hokage. Gros pour la guerre, on est préparé. Reste à l'écart, faut pas séparer. Reste à l'écart, faut pas séparer. Reste à l'écart, faut pas séparer. Reste à l'écart, faut pas séparer. Yeah. On débarque, on passe dans la réseau. Tu nous as cramé dans caisse noire. T'as vu, mon gars va encaisser. Ce soir, on sera ta bête noire. On arrive, on va se lever le verre. Merde, on va croquer le mic. Même si on ne s'est pas couché la veille. Frère, ouais, on fait le taf sur scène comme des guerriers. La musique pour nous lier. Monte à des guerriers. Prêt pour la guérilla, on excelle, tu sais que c'est faute. Amène les baisers, c'est tâche, les verses, mes versets, pas je m'exerce, c'est l'état, les mecs s'étalent, mais je sais que c'est rien. Je vois tout, et je sais que c'est naze. Je reste le même qu'à mes débuts, mais maintenant je suis moins débile. Faut que je laisse des traces, et faut que je devienne un délébile. Faut que je devienne un délébile. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les cordes, yeah. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les larmes, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Tu ne verras jamais dans les normes, yeah. Tu ne verras jamais dans les cordes, yeah. Tu ne verras jamais dans les normes, wow. Tu ne verras jamais dans les normes, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Negrito, balistique, 2-5 triple 0, LU2FY. Lâchez frites ma con, t'as fait ça, je trouve ça plutôt marrant. Investis ma PSA, faux vestimentaire trop sale, j'investis ma prochain. La peuvra est beaucoup trop hard. Une azou pour que je passe du coca à la me juger cocu donc il condamne. Bah tu sais si tu veux ici gars, soit tu tiens la sacoche, soit tu ravitailles. En manie, un train de vie beaucoup trop dégueulasse. C'est toi charbonneur, vas-y donne toute alias. Après tu veux pas, on va te niquer ta race, te fumer comme une barbe au charas. Le guetteur il crie plus donc on s'arrache. Quand j'allume ça crépite, c'est du bon gras. Parce que donne ferme ta gueule et puis basta. On se fait des 1-2 comme au Barça. Des ennemis j'en ai trop, c'est incroyable. Des plaquettes et des meufs dans l'habitacle. Et s'il y a les chevilles, je mets la vista. T'es sûr que j'ai pas la vista. Placé niveau qui reste un animal. BDRG, ça frappe un mi-mal. Je suis 5ème dans un premier rapport. Si je les cueille, y aura pas de mi-mal. Gros, c'est si on t'a dit c'est mort. Sur Temtem, voilà verte et qu'on sort. Hein? C'est des commis comme Elise et Moon sur le pétard, il compte les secondes. Fait silence à la nuit qui fait compte. J'ai des frères sur le corner de janvier à décembre. De janvier à décembre. Et un qui faut des seins. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les cordes, yeah. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les larmes, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les cordes, yeah. Tu ne verras jamais dans les larmes, wow. Tu ne verras jamais dans les larmes, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Wesh, je crois qu'ils ont pas compris, Jeff. Eh, wallah et billahi, on va leur montrer, mon frère. Ah, ils savent vraiment pas ce qu'on leur prépare. Moi, je leur dis juste, eh, attendez, juste attendez. Silence radio. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, il est 22h20. Exactement, le studio se remplit petit à petit. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autour de la table. T'attends qui? T'attends moi quelqu'un? Ah non, on est là. Hein. Ah, ok. On est là. Non, j'ai cru, moi, tu sais, je me suis dit. Peut-être t'es arrivé en retard, t'étais pas non, tout non, seul. Non, là, je suis pote, je suis pote. Est-ce que t'avais un petit son à nous faire passer, Jounès ou... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Moi, j'ai demandé un peu de... Non, par contre, le son de fond... Ouais, c'est automatisé. Ouais, il faut calmer quand même. Non, moi, j'avais demandé un petit Pinkman, tu vois. Un petit ouais. Pinkman qui nous vient tout droit de Vesoul. Mais non. Comment ça, bah non. Non, je sais pas si tu te souviens, c'était un grand débat la dernière fois. On parle de quoi de Pinkman. Tu sais, le gars que tu viens de demander le son, tu vois. Ouais. Ah, ouais, non, mais entre-temps, j'ai appris à... Non, ce que j'avais dit, moi, c'était... J'ai dit que c'est une copie. Ouais. Mais si j'écoute l'original, bah, si la copie est bien faite, je peux écouter la copie. Ouais. C'est ce qui s'est passé, en fait, tu vois. Voilà, quoi, j'écoute Pinkman comme je peux écouter l'original, tu vois. Si. Donc ceux qui ont écouté l'émission de Pinkman, vous savez de quoi on parle. Mais cependant, voilà, c'est son truc est bien fait, donc voilà. Si. Donc du coup, bah, ça tombe bien parce qu'on l'avait mis dans la playlist IDK. Bah, je sais qu'on l'a mis dans la playlist Merci. IDK. Parce que j'étais là. Tiré de son projet. Ouais, on est là, t'as vu. No Life. IDK, No Life, c'est le dernier clip de Pinkman. Vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne, ouais, Pinkman Mola Maker. Paname, je crois. Exactement. C'est pas mon préféré, ouais. Mais vas-y, Mahalish, tu vois. Ah, il s'est adouci un peu sur celui-là. Ouais, tu vois, c'est pour ça. C'est mieux quand c'est ouais, quand ça envoie. Quand ça envoie. Tu sais, quand il rappe comme Tupac, quoi. Ok. Donc j'envoie Pinkman IDK tiré de No Life. Quoi, I don't know, non. Tu dirais quoi, toi? Je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est Itk. Pinkman Itk. Hashtag No Life. C'est là dans la 25e. Jamais safe, ici t'es dans ma zone. Pour t'enlever la vie, tu sais, j'ai juste besoin d'un fouet. Ta réussite m'a pas pu, puis c'est pas la mienne. Tu m'as fait confiance, mais en fait c'est pas la peine. À ta mort, juré, je t'en créerai la tête. De toute façon, t'aurais jamais tenu la tienne. Wow. J'sais pas quoi faire, est-ce que je vais quitter ce que j'aurais. On se connaît pas, mon frère, si je passe un joint, fais pas la gueule. J'ai besoin d'un bec, besoin d'un couteau pour la plaque. Ma vie, c'est pas la main, j'ai de l'amour que pour la main. J'suis dans sa tête, dans sa poussière à la fois. Sans toi dans mes contacts, baby, tu sais que c'est pas la joie. J'disparais d'ici, j'vois que t'es aux abois. J'roule à 7, Dieu me remet dans la voie. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, 22h26. C'était Pinkman. C'est quoi IDK du coup, Jounes? T'as fait ta recherche ou I don't know, hein. Ok. Ok. Depuis tout à l'heure, on dirait que tu essaies de me piéger. Il a chillé, il a chillé comme d'habitude. Je suis attentif. Tu vois, il était sur Insta. Il arrive en retard, il chill. Il mettait des gemmes sur Insta. Là, je suis en train de tweeter. Tu vois, il arrive en retard pour chiller. Non, non, je surveille la Troisième Guerre mondiale au cas où, tu vois. Rien ouais, ne change, hein. Rien ne change. D'ailleurs, ça dit quoi, ça? Bah, il y a R, hein, il n'y a pas... Non, il y a R, là. Ça canardé, hein. Népal. L'Iran, ils ont canardé, tout ça. Cochon, il a dit, mais j'ai vu apparemment que l'Iran a dévoilé la recette du Coca-Cola. Ouais, j'avoue, j'ai vu l'histoire comme ça. J'aime bien, bah, il commence. J'avoue, ça se fait, ça c'est chaud. Par en cacahuète. Non, ça se fait pas, faut pas dévoiler les bols. Non, là, il est parti trop, ils sont partis. Mais moi, je l'ai vu dans un manga cet après-midi, la recette du Coca. Ah bon? Si, vraiment, gars, là, les... Le bougueux H de pierre, là, tout le monde repasse à H de pierre. Le dit, hey, j'ai vu la recette dans un manga cet après-midi, gros. Mais non, non, il se passe des choses bizarres. En plus, j'ai vu que les Simpsons ont prédit la mort de Trump. Ouais, on le voit dans son. Donc, dans son cercueil, ouais, c'est vrai. Donc là, je me tiens informé, tu vois. À tout moment, ça. Bah peut-être, hein. T'as qui, le fond est bien. Mais est-ce que tu l'as vu l'image le sur, est bien. Sur les réseaux où il dit hey, Siri, envoie un message à Yvan. Ouais, puis bam, message. C'est quoi, c'est quoi ouais, message. Missile, missile envoyé à l'Iran. À l'Iran, ouais. Bizarre. Est-ce que, du coup, bah, t'es encore dans le moment. IDK. Est-ce que vous avez vu un. J'ai vu tout à l'heure, là, je me promenais un peu, parce que j'avais un peu de temps à midi. Ouais. Je me promenais un peu sur. Quand t'es parti pour venir à la radio, non? Ouais, c'est ça. Je me promenais un peu sur Twitter et j'ai vu un truc. C'est une conversation Instagram, tu vois, une meuf, elle a screen, elle a dit, regardez ce que je reçois. Il y a un bug, il a envoyé un petit chien. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, après, j'ai elle a fait crarise, genre, c'est le chien, il allez, a fait reviens crarise. Là. Ouais, reviens là, arrête d'embêter les demoiselles ou je sais pas, là. Ce genre de bail, non, le meilleur bug de début 2020, c'est un des meilleurs bugs. Ah, j'étais par terre, j'étais non. Au sol. Non, frère, le bug est, non, bailler ça. Voilà, c'était ma minute réseau, voilà. Merci. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment ça screenait beaucoup. Parce qu'on est quand même à l'oreille d'une Troisième Guerre mondiale. Ouais, t'en penses quoi, Torito? Moi, je sais pas, j'ai vu des bails, tout ça. Je regarde, j'attendais surtout Poutine, qu'est-ce qu'il allait dire. Parce que bon, tu vois, les gens ils croient l'Iran. À l'Iran, c'est pas la 3ème division anglaise. Ouais, il faut se détendre. Après, cochon, bah, on connaît. Cochon, frère, il est là. Avec sa gueule toute l'année, frère. Il tweet. Il est là, il tue des gens normaux. Après, les gens disent, ouais, mais c'était un salopard. Ouais, mais gros, cochon, c'est autant un salopard. Bon, voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai, cochon, c'est ça. Mais il y a un truc inquiétant, c'est que le Schneu, il reste silencieux, tu vois. Chinois dit rien parce que chinois c'est chinois puissant. Il a jamais rien dit en fait. Chinois puissant frère. On va vous chinois puissant. Non, il va. Tu crois que là. Non, là il se frotte les mains. Il dit c'est quand que je rentre. Non gros, c'est les bails. C'est ils sont là parce que là en fait tu regardes comment Poutine il allait quand même voir. Il était avec le président turc. Hein. Les deux étaient ensemble. Les boucs dit bon. Truc, mais quand même, ils ont dit on condamne, ils condamnent pas le geste iranien, eux. Ils condamnent le bail américain, frère. Donc ça commence. La poule, elle va être d'or, frère. La qui? Au moins Paris. Paris nous diront pas, ouais, vous êtes sorti en 8e. Je te dis direct, gros. Ok. Donc, oui, ce n'est plus la 25e à partir de 22h30. En fait, c'est l'émission politique du soir. Bonsoir, bienvenue. L'émission politique, la 25e. Non, mais voilà, c'était le petit, la petite parenthèse actualité. Parce que bon, c'est grave quand même. Donc, faut en parler, tout ça. Après, on en rit. De toute façon, jeunesse arrive en retard. Je vais te dire, il y a plus important. RTZ. Jeunesse, 15 minutes de retard. Je chill. C'est l'actualité. On est loin quand même. Parce que j'ai regardé pour aller jusqu'en Iran en voiture. Il y a 48 heures. Donc, t'as vraiment regardé ça? Ouais. Il y a une route. Il y a un bail. T'as du temps pour ça. Pour nous envoyer les non, playlists. Ça, les 15 minutes de personne, mais pour regarder, il y a combien de temps pour aller en Iran? Tu laisses 15 minutes. Ouais, mais t'as vu, je regardais l'Iran, c'était où en voiture? T'as vu quoi? Oh, 48 heures, gros, c'était un bail. C'était une recherche. Expert solution, les mecs. Merci. Voilà. Et ben justement, on parle de pays lointains, tout ça. J'ai cru comprendre. Quoi, Carlos Ghosn? Quoi? Non. Ça invite? Non, Norvège. Ça invite. Si je te dis Norvège. Pays lointain. Si je te dis Norvège. Si je te dis Oslo. John Carou. Oh. Solskjaer. Oh. Ouais. Solskjaer. Oui, oui. T'en as d'autres? Martin Odegaard. Ah oui. Norvège, effectivement. Norvège. Et moi, je te dis Théo Deuzès. Pourquoi Théo Deuzès? Il est norvégien. Non, pas du tout. Théo Deuzès, comme son nom l'indique. Il aurait été vu en Norvège accompagné d'une personne sombre. Sombre et froide. Ouais, ça doit être Loubloum, ça. On connaît. Moi, j'ai eu des échos comme quoi il s'est fait arrêter. Ouais, j'ai vu ça dans Closer. Ouais. Apparemment, il s'est fait arrêter en Norvège. Il a payé. Bah alors, on déclare pas les GAV. Apparemment, il est parti dans un hôtel 4 étoiles et puis ça finit, ça dort en GAV. Ah ouais. Voilà. Oh, c'est dur. Après, moi, je sais pas. C'est dur. Non, en vrai, je vais diffuser le son de Théo Deuzès, Oslo. Donc, comme son nom l'indique, tourné en Norvège. Donc, si j'ai bien compris. Je fais un peu de pub. Ah, petite pub, Oslo, merci. Allez péter le clip parce que le clip, okay. Il est super lourd, mais Jojo, il partage. Personne le like. Hein, alors, je vous emmerde. Je passe ma journée à partager vos clips et personne va liker. Même quand. Oh, je vous emmerde. D'ailleurs, allez liker sur le mur de Jojo parce qu'il commence à s'énerver. Là. Likez-moi ou ça va chier. Donc je vous envoie le son de Théo Deuzès, enfin le son et le clip pour ceux qui veulent voir sur YouTube. Mais en secret, toi, si on te met en face de Poutine, de Trump, tout ça, ça part en couille direct. Qui moi? Ouais, toi. Non, moi, avec ma voix fluette. Mais je te vois sur les réseaux. Avec ma voix fluette. Toi, si on te met en face de tweets de Trump sur les réseaux, sur Twitter. Non, en gros, je me suis désabonné de certains journaux, parce qu'on est à la radio, on peut pas citer impunément tout plein de trucs. Mais je me suis désabonné de beaucoup de journaux parce que j'avais trop tendance à... Non, laisse tomber. J'ai tendance à bloquer. Je vois des trucs, tu vois, non. Je préfère me désabonner. Je préfère ne pas être dessus, tu vois. Parce que non, donc... je me mêle pas trop, je regarde à distance, je vois ce qui se passe. Je préfère écouter de la musique, c'est mieux. Okay. En outre, le clip à Théo2S. Théo2S Oslo, tourné en Norvège, réalisé par Loubloum Corporation, you know. You know what it is? IDK, I don't know. IDK. I don't know. Ça veut dire... I don't know. Ça veut dire... I don't know. Voilà, ça c'était la petite minute funk. Yeah. Allez, on se fait une minute funk. Get down, come on. Non, c'était pas une minute, c'était quelques secondes. C'était pour vous envoyer directement Théo2S Oslo. Vous pouvez voir le clip directement sur sa chaîne Théo2S officielle, il me semble. Donc vous pouvez aller voir ça. Allez checker ça, on est toujours dans la 25e, 22h34. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ouais, et puis... La prod je la prends, je l'ai lacérée. Celle-là je la garde, elle est pas terrible. Mon gars on avance, on est pas sérieux. On marche dans la ville, les poings serrés. On veut toujours plus, aujourd'hui c'est vrai. On a tout grave, pas besoin de passer à table. Le premier qui parle sera nommé coupable. Norvège, capitale, on fait le taf, ils nous copie-colle. J'ai le teint quasi pâle, on me fait tous les tests, à tous les contrôles. Même quand tu fais rien de mal, ils cherchent à te mettre en tôle. Ça fume la critical en guise de self-control. Et ils me regardent de haut en bas, ils voient la fraise, pas le tonka. J'vis des affaires un peu cocasse, puis grave la zep à la coca. Pris pour si pour leur quota, passe à la caisse, à la compta. Au millimètre avec l'équerre et le compas. Oslo. Théo2S, Oslo, vous pouvez retrouver le clip sur YouTube. On enchaîne directement avec Zesco, LD Ace, comme un Shelby pour tous les Peaky Blinders de la ville. T'entends ? Plus de feu, bif. Toi nourrir ma mif, même si t'en pue la nuit. Comme Thomas Shelby, toi bâtir mon empire. Et nous on agit, j'pars pas pour air mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote tu le capitaine, à toi tu le sentiment. C'est mort, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote tu le capitaine, à toi plus de sentiment. C'est mort. Des games gros sont, le flow est trop puissant, là j'm'applique. Faut que je sois dans les temps. Et je suis comme Vito, j'ai mon tête d'availlant. Et tu sais que le temps égale argent. Et la concurrence la met sur le tech tech. Fous la peuf qui t'envoie son amec. Et envoie un feu que j'allume mon pet. Et si connais pas la pour se la paix. Faut savoir, nous parle prendre genre. Y'a pas de cinéma, gros papa de me a. Et vive la vie t'as des brouillards. Et nous on suspend, fais pas la mala. Et t'as capté, on fait 500 blés. Pour qu'on faire des bicolores ne jeu. Et mange pas ta chute, mon frère. Pro, t'en peux ramasser, je prends des kills. Et comme un Shelby, j'dois faire plus de feu, bi. J'dois nourrir ma mise, même si t'en pue la nuit. Comme Thomas Shelby, dois bâtir mon empire. Et nous on agit, j'pars pas pour air mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote tu le capitaine, à toi tout sentiment. C'est mort, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote tu le capitaine, à toi plus de sentiment. C'est mort. Le temps passe vite, je perds du temps, car j'ai toujours passé perd pas le temps. De faire de peau charbonne comme jamais, le succès me court pas après, moi j'y cours après. En réalité, si je me suis mis à rapper, c'est que j'avais faire que ça. Sinon je serais en train de remplir le sac de produits illicites. Bah de la mort ça rapporte mes petits gouttes ensuite. Alors j'ai fait mon choix, et si c'est pas le bon tant pis pour moi. Alors j'ai fait mon choix, et si c'est pas le bon tant pis pour moi. Pour passer j'ai capté qu'il fallait faire de la demeure. Hors des questions, je fasse le guignol sur le net qui t'a arrêté. Maintenant j'arrêterai pas entre les jambes, bouge de famille, bouge de papa. Et à faire la guerre comme un Sinaloa pour ceux qui veulent me barrer la route. Pour la mieux je donne ma vie sans aucun doute. Cette année je suis d'état plus chaud que le mois d'août. Crois pas qu'on s'invente des vies. Si t'as des doutes, poteau, viens faire un tour. Être le boss, je me mets au défi. Et crois-moi que je ferai pas de mi-tour. Et comme un Shelby, je dois faire plus de feu, bi. Je dois nourrir ma mise, même si t'en pue la nuit. Comme un Shelby, je dois bâtir mon empire. Et nous on agit, je crois pas pour être mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote, tu le capitaine, à toi tout sentiment. C'est marre, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote, tu le capitaine, à toi plus de sentiments. C'est mort. Comme ma chérie, j'dois faire plus de feu, bif. J'dois nourrir ma mif, même si t'en plus là. Comme dans ma chérie, j'dois bâtir mon empire. Et puis on agit, j'm'en pas pour faire mon avis. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote, tu le capitaine, à toi plus de sentiments. C'est mort, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote, tu le capitaine, à toi plus de sentiments. C'est mort, c'est mort. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. La 25ème. Qu'est-ce que tu fais? Ok, le mec fait des chorégraphies avec des. Avec des caméras. Ouais, merci. Ouais, juste merci. Pour le son Oslo là. Ouais. Bah, en fait, j'ai eu la chance d'assister au. au clip. Non, à la création du son. Ah ouais. J'ai pas de passeport, qu'est-ce que je veux que j'aille là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est pas lui qui rappe, hein. Comment ça? C'est pas Théo Dezès qui rappe. C'est qui rappe? Théo Dezès, c'est juste pour les clips, en fait. Ok. Voilà. Ah ouais, il vient faire genre. Il fait juste le clip. Il met des lunettes de soleil et puis. Exactement. Il fait du playback, genre. Exactement. C'est pas. Okay. C'est quelqu'un d'autre qui rappe. Ah ok. Ah oui, parce qu'il y a Charlie aussi qui est là avec nous. C'est Charlie qui rappe. Voilà, vas-y, c'est ça. Fais-nous un petit couplet, un petit début de, tu vois. Je balance le premier de la série. La prochaine de la frange de la série. C'est l'âge de la... Voilà, je juste... Mais tu vas pas faire croire que c'est Charlie, là. On t'a tous reconnu. Oui, hein? On t'a tous reconnu, là. On demande Charlie, t'es là, tu balances des couplets. Comme Thomas Shelby. Gamin. Ok, donc c'était ton anecdote de Théo 2S, c'était ah, ça. Ah, ouais, ouais. Ok, ok. Donc pour ceux qui veulent retrouver le clip Théo 2S Oslo, tourné en Norvège, évidemment, Lou Bloom à la réalisation, c'est sorti à quoi, moins d'une semaine, 1er janvier. Le 1er janvier. Voilà, pour bien commencer l'année. Et j'ai cru comprendre que c'est le premier d'une série. Donc on attend ça, donc il faut s'abonner, évidemment, si tu veux être au juice, comme on dit, abonne-toi mon jeune, et puis... Puis peut-être qu'on verra. Oh, c'est qui sur cette photo? Il y a plus de porte-clés que de clés. J'avoue. C'est incroyable. Okay. Bon, très bien. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais envie de basculer sur Spotify un petit coup. Faire un ping-pong. Hein. Un ping-pong. Ok. Non, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais balancer sur Spotify du coup parce que je crois que déjà, il y a le projet de Ardo. Le projet d'Ardo sur Spotify. Ardo. Tu t'appelais comment avant toi? Ok, il a toujours le même prénom en fait. Il y a le projet d'Ardo, il y a le projet des puristes. T'es sûr de toi? Ouais. Non mais tu dois confondre avec quelqu'un d'autre, je pense. Jeunesse le casse-couille. Ah, ouais. Non, hein? C'est qui Samuel? Non mais on parle de Blaze, gros. Tu parles de quoi toi? Non, c'est bon. Je fais le tour de moi-même. Je vais revenir vers toi, Ardo. T'inquiète. Je vais citer son vrai Blaze dans un son qui va arriver bientôt. Voilà. Tu sais, il sait. Il, en plus, il le sait. En plus, je le fais écouter. Ah, ah. Ceux qui savent pas ne savent pas. Ah. C'est toujours pour ceux qui savent pas. Même en écoutant, peut-être qu'ils sauront pas en fait. C'est encore pour ceux qui savent pas. Mais j'ai des bougas. J'ai des bougas, moi, ils ont tes coups. J'ai d'autres bougs, ils ont tes coups. Il y a un boug, je le connais pas plus. Il a aimé le son, il m'a dit quoi? Toi, tu cites des gros auteurs. Je dis qui? Il m'a dit les bails. Oh frère, j'étais non frère, tu sais, tu me connais, tu sais. Ah non, tu sais. Mais parce que ça glisse bien. Non, mais... parce que c'est le gros bail, frère, c'est la révolution. Révolution, ah, tu vois, non, les bordels, tu vois. Mais voilà. Il n'y a que ceux qui sont dans le cercle qui vont non, comprendre. Non, là, le bail va sortir là bientôt 2019. Oh, ah non, ah 2020 là. Ouais, ils sont en 2020, Trizo aussi. Frère, tu connais, toujours à l'ancienne, puriste. Non, cool. Là, ce son-là, je vais l'encadrer. Je sais pas, frérot, je sais pas comment je vais faire encore. Le bail va arriver, tu sais, à contre-temps. Tu vois, l'époque n'est pas à ça du tout, je le lâche comme as. Allez, salut. L'époque n'est pas à ça. L'époque n'est pas à ça, mais. C'est fourni. Mais c'est un le honneur bail est fourni. Mais c'est un honneur pour moi. Il a fourni la chose. Parce que ce truc, tu le traînes depuis. Oh, oui. Des années. Tu vois, tu m'as expliqué un peu. J'ai fait ça pour un ami, pour un poteau là, qui va sortir ça bientôt. Je dis qu'à ça lui. Oh, vous savez quoi, pendant 30 secondes, j'étais pas avec vous, j'ai toujours pas compris de. Comme Thomas Shelby, faut que je fasse, je fais Shelby. Ah ouais, bizarre. En fait, je peux vous laisser comme ça, normal, nous on peut aller faire notre live et puis... Ouais, va faire ta live comme Thomas Shelby, tu passes du phoebe. Yeah, voilà. Pour tous mes Irish, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Bref, on enchaîne directement, évidemment, après un petit jingle concocté par nous en 2005. Comme Thomas Shelby. D'ailleurs, ce serait bien de refaire des jingles. Comme Thomas Shelby. On en a un nouveau, là. Voilà. Hein? Un parent? Ouais, faut en faire un parent. Voilà. Donc vous saurez à chaque fois Théo 2S, il vient, il fait une intervention il dans commande, l'heure. Il commande. À 22h45, il arrive le président. Le commandeur. Il arrive, il a dit un parent. Ok. On met ça sur la liste. Gueule, on en fait voilà. Un parent. Voilà. Et il s'en va. Et il t'emmerde. Et c'est lui qui est pas content. Il parce que c'est Théo 2S. Voilà. Et tu fermes ta gueule. Ça, et c'est tout. T'en fais un parent et c'est tout. Donc normalement en 2020, on refait un nouveau jingle. Donc okay. Coup. On va bosser dessus pour le coup. Parce que le coup presse, il était quand même. Bois un coup. Bois un coup. Et tu fais ton jingle. Donc moi je vais envoyer le jingle du coup de 2019 et après j'envoie Tsubasa, Ozora, Flo Taken, Pedro Wester et Ardo. C'est quoi le nom du rappeur? C'est quoi le titre? Le nom du rappeur c'est Pedro Wester. Brésilien. Si j'ai bien compris, c'est des Brésiliens. Ouais, c'est ça. Le bail, tu m'as dit, voilà la production. Ok, n'hésite pas à prendre un micro. Prends le micro. Ouais, et du coup, toi, t'as fait... du centre de Rio. T'as fait la prod, c'est ça? J'ai fait la prod, exactement. Si, si. C'est sur mon projet Shapeshifter. Tu veux pas c'est sorti, je ne sais plus quand. Ah, lourd, en 2018, ça, c'est de la putain de promo. Ah ouais, frère. J'ai là, vous captez ça, tous les frères au Brésil. T'inquiète pas, cousin. Allez choper le CD, voilà. Voilà, si, si, Ronnie. Starter Favelas. T'inquiète pas, frère, on est là. Sur YouTube, trouvez la chaîne YouTube. Allez, pêche ça, streamez ça. Streamez ça. Hey, hey, c'est les boucs de chez nous. Hey, hey, Besançon, hey, Brésil. Je vous dis pas, hey. Vous allez trouver vous-même. Si, si. La Mara, tout ça. Hola, como está Rechuelo. Donc, Ardo, Shape Shifter, sorti en 2018, EP 4 titres. Donc là, le son, c'est Pedro Wester, l'artiste. Et le nom du son, c'est Tsubasa Ozora Flo Taken. Comme Thomas Shelby. Comme Thomas Shelby. Changement d'ambiance dans le son. C'est quoi, c'est de la funk brésilienne? Non, là, c'est de la trap. Okay. De la peutra. De la peutra. De la brésilienne. La yes, la trappe brésilienne, ben on va s'écouter ça. Lego. Lego. La salade derrière. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Tsubasa Ozora, rap game, dança das cadeiras. Faz o papo, só jogado raro. Foda-se o contrato, topo da gangorra. Vim das ruas, tipo macho morra. Tu playground pra ganhar, tu paga. Tô debaixo do seu underground, tipo Donatello, Ninja Central Park. Yeah, yeah. Tu playground pra ganhar, tu paga. Yeah, yeah, yeah. Flow Tekken, o soco te apaga. Playboy serve pra pagar ingresso. Yeah, yeah, yeah. Meus amigos respondem processo. Roche One, Pinot no Scana. Nike presto nos rolê do bonde. Não simpático em Copacabana. Goleando espela aqui nem Barcelona. Eu e minha mina lá em Barcelona. Louis Vuitton pilotando um Porsche. Prelo eu quero 5K de skunk. Resort mais caro, collab Velone. Yeah, yeah. Todos iguais com kits cafonas. Yeah, yeah. A gente com massa de manobra. Yeah. Entre nos ouvidos de uma pandemia. Yeah, yeah. Cobra que se cria, essas ruas cobram. Yeah. Uramesh. Quanto mais elevo o level, mais eu brinco. Mais eu brinco. Yeah. Quanto mais elevo o level, mais eu brinco. Yeah. Quanto mais elevo, level, mais eu brinco. Quanto mais elevo, level, mais eu brinco. Yeah. Yeah. Piei com os danos pra levar tudo. Yeah. Yeah. Coreto da moda, vou roubar tudo. Yeah. Yeah. Se eu te ver no meu bairro, eu vou levar tudo. Yeah. Yeah. Seu rap é mentira, eu vou levar tudo. Piei com os danos pra levar tudo. Yeah. Yeah. Coreto da moda, vou roubar tudo. Yeah. Yeah. Se eu te ver no meu bairro, eu vou levar tudo. Yeah, yeah. Seu rap é mentira, eu vou queimar tudo. Eu tô na pista, sempre ganho. Yeah, minha vivência causa danos. Yeah, rima praga, foda planos. Negativo, pandemônio. Sou joia rara pros meus manos. Yeah, droga mais pesada, todos pancos. Trago atirador, eu matei cronos. MCs mortos pelos flancos. Yeah, caras do hype investigam. Tão pior que cana contando os meus passos. Eu sou a praga e eles viram. Eu sou a praga, yeah. Eu sou a praga. Yeah. Terei um universo e tu só cria espaço. Yeah. Eu sou a praga e eles viram. Eu sou, sou. Tem um universo e tu só cria espaço. Tem, yeah. Universo, yeah. Tem universo. Caras do hype investigam. Tô pior que cana contando meus passos. Quantos caras mandam mal nas rimas. Quantos caras não vivem o que postam. Quantos caras mentem pra essas minas. Quantos falam de mim pelas costas. Quantos caras mandam mal nas rimas. Quantos caras não vivem o que postam. Quantos caras mentem pra essas minas. Quantos falam de mim pelas costas. Yeah. Piei com os danos pra levar tudo. Coreto da moda, vou roubar tudo. Yeah, yeah. Se eu te ver no meu bairro, eu vou levar tudo. Yeah, yeah. Yeah. Seu rap é mentira, eu vou queimar tudo. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Bienvenue Ido, merde. Tu sais quoi, je l'ai répété pendant 30 secondes dans ma tête, mais. Rebienvenue. Voilà. Tu sais, je voulais pas. Ouais, me regarde pas comme ça, gros. Moi, j'ai fait allemand-anglais, gros. Tu sais, tu me dis bienvenue. Je ne comprends pas. Bonsoir, donc c'est la rentrée voilà, sur la 25e. C'est un nouveau rentre de vacances. Cette fois, voilà. Jounès est là, il n'est pas en retard. Ils vont en faire deux fois, là. Ça va, Jounès? Okay. Hey, tu sais combien de temps on met pour aller jusqu'en Iran en voiture? À vue de nez, à vue d'oiseau, à vue de nez. Bah, bref, 48. Il a vérifié. Si. Donc là, sinon, avant de dire tout ça, c'était le son de. Enfin, produit par Ardo. T'es sûr que c'est du Ardo? Ouais, j'en suis plutôt sûr. Ouais. Parce que moi, ça me sonne plus comme du rap angolais en vrai, tu vois. Ah, non. Excuse, on a. Il est sûr de lui, hein. Non. Il y a des lusophones dans la salle. Oui, je sais. Non, mais on a un expert rap portugais qui me fait non. Si. La vie de ma mère que c'est. Non, mais juste voilà, ça sonnait un peu comme le rap que j'entendais en Angola, mais ok. Moi, ma partie préférée, c'était le Ace Time. Je sais pas si tu vois le changement. Ouais. Ok. Quand ça change, quoi. Ouais. Pourquoi Ace Time? Parce que en général, c'est le ça turn up après Ace Time. Bah. Ok. T'as compris le délire ou pas? Okay. Vite fait. Ok, d'accord. Ça, c'était le Hest Time. Ça, c'était le Hest Time. Non, mais c'était le changement de rythme dans l'instru, quoi. Enfin, bref, vas-y, de toute façon, les gens, ils veulent me faire. Ils veulent m'avoir. Des Illuminati. Ils veulent m'avoir. Ils sont sur moi. Ils viennent avec des pyramides et des yeux dedans. Bon, non, il est 22h52. Normalement, je devais faire ça à 22h30. J'ai pris un peu de retard, mais c'est un peu ma vie. C'est à cause de Jounès, le retard. Non, mais du coup, ouais, j'ai pris le retard. J'ai tout décalé. Le retard, il part de ce matin, tu vois. Non, le seul moment où t'es en avance, c'est dans l'almanach de 86. Ça commence de ce matin. Avec le temps, t'as réussi un petit peu à combler. Qu'est-ce que vous voulez nous faire 30 minutes? Non, je voulais annoncer le programme du mois de janvier. Du coup, parce qu'on a un joli programme. Donc, on a du stretching à partir de 9h du matin. Okay. On a du curling à 10h15 à la patinoire de Besançon direct. Est-ce qu'il y a pétanque? Moi, je viens pour la pétanque. Il y a aussi un échange de pratiques autour de la couture. Oui, de la couture. Quand tu parles d'échange de pratiques, bon, moi, il y a un atelier Scooby-Doo. Si tu le fais en croisé ou tu le fais en diagonale. Non, vrai de vrai, nous sommes le 9 janvier. Il nous reste 3 jeudis avant la fin du mois. Les 3 jeudis vont être plutôt chargés, puisque le 16... Comme Théo 2S. Chargé, comme Théo 2S. Aïe, hashtag... Big Suff. Le 16 janvier, c'est les puristes qui seront avec nous. Oh non, pas eux, les aime pas. Les puristes, ils n'ont plus rien de puriste. Ils seront tous là. Ce sera le grand débat. Tu sais qu'on t'emmerde parce que tu vas venir là dessus, on va te frapper. T'es pas en mode puriste là. Ah gros, tu sais même pas les règles. Là, il est pas en mode puriste. Mais de toute façon, je suis chroniqueur ce soir. Je ne défends qu'un. Sortez les protège tibia. Il est chaud, il est déjà chaud. Donc la semaine prochaine. J'attends tes attaques avec plaisir. Je vais m'en délecter. Donc la semaine prochaine, c'est les puristes. Le 16 janvier, c'est les puristes qui seront avec nous pour évidemment la sortie de Virus, le projet Virus. Pardon? Oui. Virus? Yeah. Non. Non, Virus. Pardon. IDK. IDK. YDK. C'est tout. Okay. Voilà. Je parle avec toi. Tu ne pourras strictement rien faire. Voilà. Tu es déjà contaminé, tu ne le sais même pas. De toute façon, si t'arrives à 23h, gros, on aura déjà posé pas mal de questions, tu vois. Soit à l'heure. Donc 16 janvier, les puristes, pour l'album Virus et, entre autres, on va dire, l'album Virus et tout le reste. Je viens de comprendre un truc de ouf, là. Ah. Non, c'est bon. Il était en retard à ce niveau-là, parce que son corps est là, mais son esprit est encore en retard. Moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, là, ça fait 3-4 messages. Et je viens de me rendre compte qui c'était, en fait, tu vois. Mais bon, bref. Ah ouais, d'accord, d'accord. Depuis que tu viens à pied, t'es vraiment très, très anormal. Ouais. Depuis que tu viens à pied, hein, je tiens à le dire. Donc ouais. Le 16 janvier, c'est les puristes, ça fait 4 fois que je le dis. Ouais. Le 23 janvier, ce sera l'équipe de Datara qui seront là. C'est ta team. C'est en partie ma team. C'est et ta team. Exactement, ouais. Exactement. Numéro 6. Tu me mets quel numéro tu veux. Numéro 6. Donc le 16, les puristes, le 23, Datara. C'est ta team. Ok. Et le 30, ce sera, on fera une petite soirée, allez, parce qu'on avait dit qu'on le referait. On fera une soirée open mic. Je crois que vous venez cette tête. Gros open mic. Donc le 30, pour tous ceux qui me demandent sur Instagram, c'est quand qu'on peut passer. Venez tous le 30. Voilà. Ah, c'est l'heure d'aller. Venez tous le 30. Donc je fais le récapitulatif du mois de janvier. Le 16 janvier, nous serons avec les puristes. Et Method Man, mais lui, il arrivera peut-être un peu en décalé avec le jet lag. Il arrivera en même temps que Junes. Bon, sinon on aura quand même Hématome, si jamais. Si Method Man n'est pas là, on aura Hématome. Le facteur. On aura peut-être Junes à 23h15. Oh, voilà. Inch'Allah. Junes, il arrivera pour les Money Time. S'il n'y a pas la guerre d'entre temps. On attend des questions. Donc apparemment, les puristes sont méga parés pour les questions de Junes. Je viens pas. Voilà, on enchaîne directement le 23 avec l'équipe de Datara. Et le 30 avec un gros open mic. Je pense qu'on pourra faire 2 heures d'open mic parce que les gars, une fois qu'ils sont partis, ils ne s'arrêtent plus. Ils ne s'arrêtent guère. Donc voilà pour notre mois de janvier. Peut-être que je vais poser un petit 16, tu vois. Si t'es chaud, tu prépares ton 16 pour le 30. Oh l'annonce. Ouais, là je suis en train de. Ah, ça lâche du lourd, hein. 2020, t'arrives, tu blagues pas. Non, pas le réel. Pas ce genre de cheville. Ce genre de nuque. Ça flingue non, le 30. On s'est entraîné pendant les vacances, on n'a rien dit. Ça flingue. Ah ouais. Et d'ailleurs, Jonas, t'as maigri, non, pendant les vacances maigri. T'as maigri, ouais. T'as maigri. Non. T'es maigri. Ah, c'est un régime à base de. De protéines. De protéines. À base de gras. Non, à base de soupe du soir, tu vois. Ah ouais. Oh. Dis-moi. Quel genre de soupe? Dis-nous tout. Tout. Le moment culinaire. Oh, merci. Ah, plusieurs soupes. Dis-nous tout quand même. Les auditeurs. La 25e en 2020, on est multitâche. Bon, ok. En fait, politique, son, passe... nourriture, nutrition. Non, ce qui se passe, c'est que. Sinza qui est arrivé. Dis-nous tout. Qui nous vient bonne année, tout droit Sinza. De Amsterdam. Ok. Amsterdam. Eh ben tu sais quoi, pendant que tu chantes, eh ben moi je renvoie la suite de la playlist parce que tes trucs à base de soupe, j'en ai rien à cirer, mon pote. Ouais, mais je bois de la soupe. Tes potages. Tes potages. Potages au gras. Tes potages qui sont plutôt des bouillons. Au rognon de gras. Tes putains de potages au rognon de gras, on en a rien à foutre. Tu me trouves affûté, mon salaud. Voilà. Tu me trouves affûté, mon salaud. C'est pas parce que tu t'es mis un petit peu plus carré. Tu me trouves affûté, mon salaud. Ok. Ça doit être le blouson. Ça doit être le blouson, c'est ça. Donc j'envoie la suite de la playlist de ce soir, 100% local, évidemment. Comme Shelby. Donc comme un Shelby, le clip est toujours disponible sur YouTube. Il dit pas comme un Shelby, il dit comme Thomas Shelby. Oui, mais le Shelby, titre, ouais. C'est comme un Shelby. Ah, bah, c'est pour ça. Ah, ils sont trompés. C'est pour ça. C'est l'argot. Comme un Arrête Shelby, Zesco, LG Ace, le clip est disponible. Ah, et là, genre... Bah ouais. Okay. Bah ouais. Par jalousie, il cassait le portable de ses collègues. Et là, j'envoie directement à la suite le cas Lord des Rois. Donc, il a sorti ça il y a 2 mois. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu, qu'on n'a rien diffusé. Donc, je vous envoie directement le cas. Oui, tu me... Ok. Mais encore, ok. Eh ben, j'envoie un petit jingle, j'envoie le cas Lord des Rois, il est 22h59, exactement. Tu sais pas qui c'est, le cas? Ah, c'est ça? Okay. Ah, gros big up au ref, au passage. Un gros big up à lui. Je connais le S. Tu connais le S. Je connais le D. Aïe. Tu connais le T. Je connais le T. Hashtag. Je connais le big R. Le R, il est ici. Le R. Il s'appelle le cas. Bon, sur ce, on est toujours dans la 25e. J'envoie le cas Lord des Rois. Yes. Le cas, nouveau son. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Junes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8.